Je suis Birdie Duck. Et avant de poursuivre notre exploration des sociétés contemporaines, il me faut m'arrêter un instant. Non pas pour ajouter une nouvelle théorie, mais pour poser des mots simples sur une idée centrale, trop souvent utilisée sans être définie. Qu'appelle-t-on exactement une société structurée et hiérarchisée? Car Marx et Weber nous ont beaucoup appris, mais ils ont parfois parlé sans nommer, en tout cas dans mes articles. Et la sociologie contemporaine, elle, a changé de vocabulaire sans toujours changer de logique. Dire qu'une société est structurée, c'est dire qu'elle n'est pas aléatoire. Une société est structurée lorsqu'on peut y repérer 1. Des groupes d'individus, 2. D'individus qui sont regroupés selon des caractéristiques sociales communes, et 3. Des groupes qui sont relativement distincts les uns des autres. Ces groupes peuvent être définis par le diplôme, le revenu, la profession, le genre, l'âge, le territoire, l'origine sociale, peu importe la variable choisie, ce qui compte, c'est que les individus ne soient pas distribués au hasard, mais regroupés. C'est exactement ce que Marx observait déjà lorsqu'il distinguait bourgeois, capitalistes et prolétaires, et c'est ce que Weber systématisait lorsqu'il parlait de classe, de groupe de statut ou de parti. Une structure sociale, c'est donc une organisation de la société en groupe socialement différencié. Mais dès que l'on va plus loin, un petit glissement s'opère. Imaginons, souvenez-vous de vos cours de mathématiques, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, imaginons une variable X, par exemple le niveau de diplôme. Sur un axe, on peut placer les individus sans diplôme, ceux qui ont un CAP ou un BEP, ceux qui ont le baccalauréat, ceux qui ont un diplôme supérieur. À l'intérieur de cet espace, on peut faire apparaître des groupes, le groupe de ceux qui sont sans diplôme, de ceux qui ont un CAP, de ceux qui ont le bac, etc. Mais des groupes de taille différente. Dans la société française, il y a plus de titulaires du bac que de titulaires de bac plus 5 ou plus. Et des groupes clairement distincts suivant cette variable du diplôme. Nous avons déjà une structure sociale. Mais cet axe du diplôme n'est pas neutre. Il va du moins vers le plus, du moins diplômé vers le plus diplômé, et donc du moins valorisé vers le plus valorisé. Et sans même nous en rendre compte, nous avons introduit une hiérarchie sociale. Une hiérarchie sociale est ainsi une forme d'organisation fondée sur la distribution inégale d'avantages. Elle classe les groupes sociaux du plus favorisé au moins favorisé. On dit aussi qu'elle les classe selon leur accès à des ressources socialement valorisées, par exemple le diplôme. Et les diplômes élevés sont placés tout au-dessus, non pas par magie, mais parce qu'ils donnent davantage. Un accès plus facile à l'emploi, une plus grande stabilité professionnelle, des revenus plus élevés, davantage de prestige, parfois plus d'autorité. Autrement dit, la hiérarchie sociale est la structure générée par les inégalités, une structure que j'imagine verticale dans ma tête. À ce stade, les plus attentifs auront reconnu une idée déjà rencontrée. Max Weber parlait de chances de vie, les Lebenschancen, des probabilités différenciées d'accéder à des ressources économiques, sociales ou politiques. Aujourd'hui, la politique parle plus volontiers d'inégalités, mais le raisonnement est très proche. Les inégalités contemporaines peuvent être comprises comme la distribution inégale d'avantages et de désavantages entre les groupes sociaux. Marx, sans employer ces mots, décrivait déjà certains de ces désavantages structurels. La précarité, la dépendance, la domination économique, Weber les conceptualisait comme des probabilités. La sociologie contemporaine la mesure comme des écarts observables. Même phénomène, vocabulaire renouvelé. Jusqu'ici, nous n'avons utilisé qu'une seule variable. Mais la réalité sociale ne fonctionne jamais sur un seul critère, avec deux variables, X et Y, par exemple, le niveau de diplôme et le niveau de revenu. On peut représenter un espace à deux dimensions. Dans cet espace, certains groupes cumulent des avantages, ceux issus des revenus élevés et des diplômes élevés. D'autres cumulent des désavantages, ceux issus de faibles revenus et de faibles diplômes. D'autres encore possèdent des profils plus ambivalents, riches en diplômes mais moyens en revenus, les professeurs par exemple, ou riches en revenus mais pauvres en diplômes, certains artisans ou chefs d'entreprise, et riches en revenus, c'est relatif. Et ce qu'on fait avec ces deux variables, on peut le faire avec 3 ou 4 ou 5, au prix évidemment d'une complexité croissante. Au final, la structure sociale peut être pensée comme une organisation stable de groupes distincts. Et ces groupes ne sont pas définis au hasard. Ils apparaissent lorsque plusieurs caractéristiques se combinent. Les revenus et les diplômes. Mais on aurait pu ajouter la profession, le patrimoine, l'âge, le genre, le lieu de résidence, l'origine ethnique, plein d'autres encore. À chaque critère correspond une dimension. Et lorsque ces dimensions se croisent, elles ne produisent pas seulement des écarts entre individus, elles produisent des regroupements d'individus, des groupes d'individus proches par leurs conditions d'existence, proches par leurs chances de vie, comme aurait dit Weber, proches par des degrés de désavantage ou d'avantage. Et progressivement, se dessine quelque chose de plus vaste qu'une simple hiérarchie. Se dessine un espace. Un espace social. Ce que nous appelons alors structure sociale peut être compris comme étant cet espace social. Un espace donc structuré parce qu'il organise des individus en groupe. Hiérarchisé parce que ces groupes n'ont pas un accès égal aux avantages. Et dynamique parce que les positions peuvent évoluer. Évoluer d'ailleurs sans que les inégalités disparaissent. Autrement dit, une société ne se contente pas de classer, elle cartographie.